Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémozo pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'avais déjà annoncé dans mon émission d'hier soir et aussi un petit peu plus tôt dans la journée sur la page Facebook Radio Guémozo pour ceux qui suivent, on va parler de musique, de concerts et d'événementiel avec l'association Music Live Events. Et pour en savoir plus, j'ai Chantal Poirot avec moi à l'antenne. Bonsoir Chantal. Bonsoir Lou. Alors Chantal, j'imagine, oui, c'est une première en radio d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Eh bien, on va faire en sorte que à Radio Guémozo, ça se passe très bien pour toi et que ce soit une super expérience. Mais merci, j'en doute pas une seconde. Et comme on l'a dit, ou comme je l'ai dit plus tôt, tu es là pour parler de ton association et des événements que tu mets en avant. J'en ai déjà annoncé au moins un, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi les informations à la source. Exactement. Alors voilà, Music Live Events est là devant moi. Oui. Alors, dis-moi Chantal, on va peut-être... moi, j'aime bien faire les choses dans un ordre assez précis dans l'heure des loups. Les auditeurs ont l'habitude. Mm-hmm. Et j'aime bien commencer par l'humain. Mm-hmm. Alors, Chantal, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs vis-à-vis, je pense, aussi de l'association, vu que c'est en lien? D'accord. Alors, ben, moi, je m'appelle donc Chantal. Je suis originaire de la Bresse. J'habite à la Bresse. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais un job de responsable de magasin que j'ai complètement plaqué pour me consacrer uniquement à ce fameux projet dans l'événementiel. Et parce que je travaille sur plusieurs pôles d'activité, et donc un de mes pôles principaux est donc l'organisation de concerts. Et de cette réflexion-là est née l'association Music Live Events. Donc au mois de mai de cette année, c'est une toute nouvelle association dont je suis la présidente. Voilà. Quoi vous dire, j'ai 53 ans et ça ne m'empêche pas d'aimer le rock et depuis toujours. Et d'ailleurs, les concerts que je propose sont principalement axés sur le rock, avec l'idée quand même d'avoir une certaine ouverture d'esprit et pourquoi pas à l'avenir de proposer d'autres thématiques. Toujours est-il que là, sur 2018, c'est quasiment une programmation rock et pop rock que je propose. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'émission. Eh bien, disons que c'est une sacrée présentation, déjà une très très belle introduction. D'ailleurs, je viens d'apprendre que l'Alsace nous écoute aussi, très contente de savoir qu'ils sont là. Alors, bonsoir Zolveig. Et d'ailleurs, figure-toi qu'il y a des informations qui vous concernent aussi de l'autre côté de la montagne. Donc, reste à l'écoute. Et si d'autres Alsaciens nous écoutent, eh bien, restez aussi à l'antenne. Ça va vous concerner aussi. Alors, tu as dit que tu as créé l'association en mai 2018. Est-ce que tu... Alors, on a bien compris que c'est une association très rock'n'roll, et ça, de toute façon, je l'ai déjà dit, et on le verra à travers la programmation 2018 de l'association. Mais c'est venu de quelle volonté, en fait, cette envie de créer une association qui organise des événements rock'n'roll, à la base? En fait, moi, je suis depuis toujours dans le milieu associatif, donc à la Bresse, notamment, et... Donc j'ai commencé très tôt à m'occuper de différentes activités. Alors dans l'automobile, parce que ça fait partie aussi de mes passions, on va dire. Dans la moto, j'ai été pendant plus de 20 ans responsable de la tendance au motoclub de la Bresse. J'ai organisé le Vosges Rallye Festival. Et puis, j'ai pendant quelques années fait partie de l'association Rock Altitude à la Bresse. Et donc, je prenais tellement de plaisir à m'impliquer dans cette organisation de concerts que je me suis dit, mais un jour, il faudra que je crée mon association pour pouvoir, moi, proposer des activités, proposer... voilà, des choses sur la Bresse, sur les Hauts-de-Vosges et pourquoi pas ailleurs, bien sûr. Et l'envie de devenir vraiment l'instigatrice de ces événements a été plus forte. Et donc, j'ai dit, je vais créer cette association. Et donc, il a fallu trouver un nom. Et j'ai choisi ce nom parce qu'en fait, il peut être apparenté à plein de projets musicaux. Voilà, parce qu'il y a des idées qui arrivent là, encore d'autres. Ouais. En effet, tu amènes aussi ma question suivante. Music Live Events, c'est un nom très anglophone. Pourquoi avoir choisi justement un nom à consonance anglophone ? Alors pourquoi ? Parce que j'ai bien cherché de mon côté avec mon nom, avec le rock. Le rock, en fait, c'est une musique qui est vite apparentée aussi à tout ce qui est anglophone. Et donc, j'avais du mal de trouver un nom 100% français, on va dire. Et comme je souhaite de toute façon développer cette partie événementielle, j'ai cherché, j'ai posé plein d'idées, j'ai demandé à droite et à gauche de l'aide et c'est Music Live Events qui est arrivé parce que le live, moi quand j'écoute un morceau de musique, j'adore l'écouter en live. J'adore aller à des concerts, j'adore... Enfin, c'est la musique, j'adore, le live, j'adore. Et puis après, l'événementiel, ça me permet de travailler sur les deux et de faire quelque chose de bien, voilà. D'ailleurs, dis-moi, tu as été seule sur le projet depuis le début ou tu as été soutenue, encouragée ou même accompagnée ? Alors, j'ai été soutenue déjà par ma famille, hein, par mes enfants, par mes frères et sœurs qui m'ont dit « mais oui, vas-y, fais ». Et en plus, j'ai eu un soutien incroyable parce que tous ces projets, tous ces concerts, je les organise en binôme avec une personne qui a lui aussi monté sa propre association qui s'appelle Amorock et qui est basée en Alsace, justement. Et donc c'est un ami et on s'est dit mais à nous deux on a complètement les compétences pour monter des beaux projets musicaux. Donc depuis le début il est là pour m'aider, me soutenir, me donner aussi plein d'idées et plein d'aides parce que lui gravite dans ce monde-là depuis un peu plus d'années. Et donc, en fait, on est, si vous voulez, deux associations qui travaillent sur des projets communs. Voilà. Donc, je suis bien aidée, ouais, quand même. Deux associations qui travaillent ensemble. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la personne à la tête de Amorock devait être là aussi dans nos studios, c'est ça ? Oui, alors, il aurait beaucoup aimé être là. Il aurait dû être là. Il était venu dans les Vosges aujourd'hui, justement, avec le but de terminer cette journée par cette pause radio. Et bon, des choses professionnelles l'ont obligé à rentrer en Alsace plutôt que prévu, ce qui fait que je suis là seule ce soir à mener cette heure de radio, voilà. Ah mais ça va très bien se passer. Dans tous les cas, il a beau ne pas être là, ça n'empêche pas qu'on lui passe le bonjour. Ah mais si complètement. Nous écoute. Donc Lolo, si tu m'entends, écoute, on pense à toi et on parle de toi surtout. D'ailleurs, Amorock, j'imagine que tu la connais un petit peu, cette association. Tu peux nous en parler un petit peu pour que les auditeurs la situent ? Alors, Amoroc est une association donc basée en Alsace et elle est organisatrice de concerts. Alors, par exemple, Amoroc a été la première association à faire venir en Alsace une fille que les amateurs avertis en rock'n'roll connaissent bien, c'est Madame Laura Cox, Mademoiselle Laura Cox, qui est venue donc avec Amoroc il y a maintenant 2 ans faire une scène en Alsace et ensuite elle a continué à faire son bonhomme de chemin. Et Amoroc a notamment organisé un énorme événement au Zénith de Strasbourg en février. Donc j'ai été la co-organisatrice à ce moment-là sur un concept regroupant automoto et rock'n'roll. Et là, on a proposé sur 3 jours 9 concerts. Voilà. Donc, Amoroc et commence à être bien connu aussi en Alsace. Et avec cette association, on a une salle dans laquelle on fait venir aussi des groupes sur l'Alsace. Et sur l'Alsace, dans quelle ville exactement ? Alors, c'est sur l'Alsace, c'est vraiment à la limite. On est dans le 57, mais on fleure le 67. On est à Valtambour. Donc, c'est au-dessus de Strasbourg. Et on est entre Sarrebourg et Strasbourg, quoi. On est vraiment à la limite du 67, voilà. Ah oui, c'est pas tout à fait à côté non plus. Non. Mais ça, de toute façon, on va en reparler aussi de ces événements, parce que j'ai bien compris que vous faites des événements en doublon. Oui. Je sais pas si c'est pertinent de poser la question du pourquoi, j'imagine que c'est dans l'optique d'un travail en commun. Alors, c'est déjà dans l'optique d'un travail en commun, et puis ensuite, quand on dit au groupe... écoutez, on vous double les dates. On fait le vendredi soir à la Bresse et le samedi soir en Alsace. Ils disent oui tout de suite aussi parce que c'est super intéressant. Et franchement, finalement, on passe le week-end avec les groupes et c'est juste magique, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Oui, en effet, ça doit être quelque chose de passer plus de temps auprès des artistes, oui. Comme tu l'as bien dit. Et si tu l'as dit, c'est forcément que tu l'as vécu, parce que vous avez déjà organisé des concerts depuis que ton association s'est créée en mai 2018, oui. Je le rappelle. Oui. À commencer par le 31 août avec Fergesen en partie principale. Comment ça s'était passé ? Alors, Fergesen, je pense que beaucoup de Vosgiens les connaissent maintenant parce que leur dernier album, L'été, a vraiment décollé et fait décoller leur carrière. Ils ont participé à The Voice il y a, je crois, maintenant 4 ans. Ils avaient été retenus dans l'équipe de Bertignac à l'époque. Et ils n'ont pas été au bout de l'aventure, hein, mais ça leur a permis de comprendre plein de choses et puis d'avancer surtout. Et à ce moment-là, ils ont fait le choix de venir s'installer dans les Vosges. Et ils sont tout près de Saint-Dié. Ils habitent dans un petit village tout près de Saint-Dié. Et moi, je les ai connus juste après qu'ils aient fait The Voice. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce groupe. Et à l'époque, je ne savais pas encore que j'allais créer cette association. Mais je m'étais dit, punaise, ce groupe, j'ai alors super envie de les faire venir chez moi. Et je pense que ça a été aussi toutes ces petites choses-là qui ont fait que derrière, j'ai franchi le pas de la création d'associations, etc. Et donc, naturellement, ils faisaient partie des premiers groupes que j'avais envie de faire venir. Ils ont bien sûr accepté. Ils sont venus, on a passé un moment extraordinaire. Et les gens qui ne les connaissaient pas, qui étaient là, ont découvert un groupe génial. Parce qu'ils donnent tout sur scène. C'est vraiment un truc de malade. C'est de l'énergie pure. Enfin, ils distillent un truc incroyable. Et donc, ça a été un concert assez magique. Ouais. Ouais, assez magique. Ouais, c'était un bon moment. Voilà. Un bon moment avec, j'imagine, beaucoup de monde qui a été très content de ce concert. Ouais. Alors, beaucoup de monde, on ne peut pas dire qu'on ait eu la foule. Je pense que la date était un petit peu... compliqué. On a aussi pris conscience que d'organiser des concerts en été avec tout ce qui se passe à droite et à gauche, c'est pas forcément la bonne période. Alors que là, on sait que sur l'automne, c'est souvent plus calme et que les gens ont besoin de justement de ces moments-là pour se ressourcer, prendre du bon temps. Il fait nuit de bonheur, enfin voilà, il fait froid et on a juste envie de se réchauffer avec une bonne dose de musique. Et donc en automne, c'est vachement bien. Mais on n'a pas eu le monde qu'on espérait, mais on sait aussi que Paris s'est pas fait en un jour. Et si je suis là aussi ce soir, c'est pour sensibiliser les gens à ça, c'est-à-dire qu'on prend à cœur d'organiser des événements, on y met toute notre énergie, et donc derrière, on a juste envie que les gens viennent vers nous et puissent... Enfin, l'idée, c'est vraiment d'offrir un bon moment. Le but, c'est ça, c'est de faire partager des choses avec le public et que quand ils repartent, ils disent « Waouh, mais ça fait du bien, quoi, on a passé vraiment un moment extra ». Et moi, c'est juste ce que je veux entendre à la fin de chaque concert. C'est juste ce que je veux proposer à chaque personne qui franchit la porte d'une salle, voilà. Oui, tout ce que tu veux proposer, comme tu le disais, on va parler des autres concerts passés dans quelques instants. Mais après tout, je l'ai bien compris, les concerts que tu organises, c'est pas au hasard. Et d'ailleurs, hasard, c'est le titre du premier morceau qu'on va s'écouter, un morceau de Undervoid, ouais, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Juste facétie d'entreprise fastidieuse, la tournée du destin a sombré dans l'ennui. Cet scandale amer, oh Dieu, en rage de ta faiblesse, ton foutu sordide. Candide quotidien, coffres-tu de tangible? Que te dit ton instinct, que t'indique la logique? Elle en dit qu'elle en sait foutre rien, qu'il est devenu docile. Résonne les voix, les dogmes du prêt à penser. Des hommes à femmes et des crédits à payer. Hasard, hasard, y'a pas de feu sans fumée. Aux armes, aux larmes, ça va finir par tomber. Au diable, qui a vécu par les pires. Rira, rira, rira bien, qui ira le dernier. Éclatante catharsis, cicatrice, accablante, catalyse, mes envies, cautérisme, mes attentes. Accapare-moi de honte et de mépris. Brise les reins qui m'enclavent de ce noir très fort. S'instigue mes nuits blanches. Forge-moi des raisons qui m'inclinent la conscience. Faut-il être informé pour savoir quoi penser? Résonne les voix, les dogmes du prêt à penser. Des hommes à femmes et des crédits à payer. Hasard, hasard, y'a pas de feu sans fumée. Aux larmes, ça va finir par tomber. Au diable, qui a vécu par l'épée. Rira, rira, rira bien, qui ira le dernier. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, interagir avec nous, n'hésitez pas à passer ou par la page Facebook Radio Gémozo ou en passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de discuter avec vous. On est toujours avec Chantal Poirot de l'association Music Live Events et on a écouté à l'instant le morceau Under Void. Non, le morceau Hasard de Under Void, pas que je les confonde, qui d'ailleurs sera sur la scène Bressot le vendredi 23 novembre. Et bah justement, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de ce groupe, Chantal ? Alors, ce groupe Under Void, moi je le connais déjà depuis quelques années et j'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient. C'est quatre garçons qui proposent un rock français et ça, moi, j'adore. Je suis fan avec une sonorité un peu Noir Désir. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce groupe, c'est que ils ne jouent que des compos, c'est-à-dire que ils composent leurs morceaux, ils les interprètent et je peux dire que c'est vraiment extraordinaire parce qu'à l'heure qu'il est, il y en a beaucoup qui font des reprises ou voilà. Mais alors eux, c'est vraiment de la compo et c'est vraiment de la chouette compo. Et ils ont ce don parfois sur un morceau de le faire durer bien plus longtemps que prévu. Et moi, j'adore ça, des morceaux à rallonge avec des riffs de guitare, avec tout un tas de choses. Et ça ne s'arrête jamais. Et franchement, ils dégagent un truc extraordinaire sur scène. Ouais. Et on espère qu'ils dégageront cette chose extraordinaire sur la scène Bressot le vendredi 23 novembre. Et oui. Mais avant qu'on parle des concerts à venir, j'ai envie qu'on reparle rapidement des concerts passés. Et s'il y a un autre concert qui s'est passé récemment, si je ne me trompe pas, c'est le 5 octobre. C'est une soirée spéciale à l'idée. Alors, la soirée spéciale Hallyday, elle a été faite uniquement, donc puisqu'on double les dates, elle a été uniquement faite sur la deuxième salle et pas sur la première. Donc, on a fait un soir. Donc, ça n'a pas été le 5, ça a été le 6. Ah, et on l'a fait en Alsace. Hein. Voilà. Par contre, on a fait fin juillet le concert avec Miss America. Et là, ça a été une super découverte pour tous ceux qui sont venus les voir. Miss America, c'est deux garçons, deux filles. Moi, je les avais découverts à l'époque à la Souris Verte. Et je suis aussi tombée sous le charme de ce groupe. Et franchement, les gens qui étaient là, pour la plupart, ne les connaissaient pas. Et ils ont adoré. Et le but, c'est ça aussi, c'est de faire découvrir aux gens des groupes qu'ils connaissent pas, parce que aller vers des groupes qu'on connaît tous, c'est bien, mais aller vraiment chercher des groupes qui sont pas connus et qui méritent qu'on parle d'eux et qu'on les écoute, franchement, moi c'est pareil, ça fait partie de mes objectifs, quoi, hein. Voilà, donc c'était au mois de juillet avec Miss America, et à chaque fois on a offert la première partie à des groupes locaux. Voilà, on a eu les Punchies qui sont venus, c'est des jeunes d'Épinal, pareil, génial. Et donc, à partir de là, voilà, le but associatif, eh ben, il prend tout son sens parce que nous, on va se tourner vers des gens du cru, parce que nous, on va aller chercher voilà, des choses que d'autres grandes programmations ne vont pas forcément aller chercher. Ouais. Non, en effet, c'est vrai que... Oui, comme tu l'as dit, proposer de faire la première partie à des petits groupes pour ensuite d'autres plus grands groupes passent après. Ça, allez, complètement. Ça leur donne de la visibilité, ouais. En fait. J'imagine que c'est ça le ouais. but. Donc, ouais, et puis bah, là, je profite de l'antenne, je lance un appel. Hein. S'il y a des groupes de rock principalement, mais après, il y a d'autres choses qui sont super sympas, qui souhaitent, pourquoi pas, venir un jour faire une première partie, eh ben, qu'ils n'hésitent pas, hein, parce que moi, je suis preneuse, voilà, et je suis prête à aller découvrir plein de groupes comme ça, voilà, et leur donner la chance de faire une première partie d'un groupe peut-être plus connu, oui. L'appel est lancé, j'espère que quelqu'un recevra cette bouteille lancée à la mer. Exactement. Mais d'ailleurs, j'y pense, les concerts ont eu lieu alors à la Halle des Congrès, mais il y en a des, si je ne me trompe pas, qui ont eu aussi lieu à la Salle des Fêtes, oui, alors de la Bresse, dans les deux cas. Alors les deux premiers là ont eu lieu à la Salle des Fêtes, et les deux qu'on annonce là pour fin d'année vont avoir lieu à la Halle des Congrès. Pourquoi ? Parce que, on a besoin de plus de place. Et deux, là, des congrès est là, à côté, un peu plus rock'n'roll, on va dire, que la salle des fêtes. Et voilà, donc on travaille sur les deux salles-là. Et franchement, c'est chouette aussi de pouvoir, dans un village comme la Bresse, avoir cette possibilité de dire « je fais dans cette salle, je fais dans cette salle ». C'est génial, les municipalités aussi qui te suivent et qui t'offrent la possibilité, voilà, et qui t'ouvrent les portes des salles. Et voilà, c'est chouette, ouais. Oui, c'est comme tu le disais, très chouette. Et comme tu l'as dit, il y a une différence d'ambiance et surtout de capacité d'accueil. Oui, aussi, voilà. La salle des fêtes a quand même une capacité de... un peu plus de la moitié de la Halle des Congrès. La Halle des Congrès, on est sur 1000 places. Hein. Voilà. Donc, voilà, j'espère vraiment que le maximum de gens qui m'entendent là et autres auront cette envie de venir avec nous passer un super moment de rock'n'roll. Voilà. Et en parlant de ça, justement, tu en annonces deux des concerts à venir, desquels on va parler dans quelques instants. Mais avant toute chose, on va partir en voyage. Chantal, j'ai envie de partir à New York avec toi. Titre de téléphone. Génial. Qu'on écoute. Et on se retrouve juste après. Oui. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque m'emmènera, mets-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur. New York avec toi, j'espère que ce voyage t'a plu. Chantal, vous êtes de retour sur Radio Guimauzo, 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et comme d'habitude, vous pouvez réagir alors par téléphone au 03 29 62 40 40 ou via notre page Facebook Radio Guimauzo. On a écouté à l'instant un morceau de téléphone. Bah, c'est peut-être pas téléphone qui va passer, et justement, c'est peut-être pas téléphone comme je le disais, mais c'est un tribute, parce que si on est là, ou si tu es là, c'est pour parler des concerts à venir, et justement, le prochain concert le plus imminent, c'est celui du vendredi 23 novembre, la nuit du rock français, Chantal. Oui, tout à fait, donc la nuit du rock français, cette idée est née bah, justement de cette réflexion que moi et Laurent, on adore le rock français et on a décidé d'en faire un méga concert avec trois groupes. Donc on va commencer par un groupe qui s'appelle Anna, qui est un tribute de téléphone, mais un très très bon tribute. Et ils sont de Saint-Dié, ils sont pas très loin. Je trouve qu'ils ont cette fraîcheur qui met en valeur tous les morceaux de téléphone qu'on connaît et tous ceux qu'on connaît moins. Parce qu'ils ont cette faculté de jouer des morceaux que les gens ont moins l'habitude d'entendre et pourtant qui méritent vraiment qu'on les écoute et qu'on s'y attarde. Donc pour ça, on les a retenus parce que... ils n'ont pas bêtement repris les tubes de téléphone. Ils les ont déjà vraiment bien travaillés à leur sauce. Attention, on s'y retrouve. Hein. Ouais. On reconnaît parfaitement le téléphone. Mais ils sont surtout allés chercher des morceaux qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre. Donc pour ça, on a dit, OK, ça marche. Nous, on a envie de vous avoir parce que ça change... de vraiment des classiques du téléphone et il y a des morceaux extraordinaires que les gens connaissent moins et qu'on a aussi envie de faire découvrir. Donc ça s'appelle Anna et ils seront à la Bresse donc le 23 novembre à la Halle des Congrès pour la nuit du rock français. Voilà. Donc ça c'est Anna, mais il y en a d'autres des groupes, dont Undervoid qu'on a écouté un petit peu plus tôt pour le morceau Hasard. Oui, tout à fait. Alors Undervoid, donc les quatre garçons qui viennent de Strasbourg et qui jouent leur propre composition. Alors ils tournent plutôt en général dans des bars, des choses comme ça. Et là on leur offre la possibilité de faire une scène devant 1000 personnes. On y croit ? On y croit. On y croit. Et donc voilà. Et naturellement, bah eux, ils faisaient partie aussi des coups de cœur pour cette programmation de la nuit du rock français parce que c'est exactement ça aussi. C'est vraiment 100% créé, imaginé, arrangé et enregistré et travaillé et composé en France. Voilà. Donc Undervoid, c'est pareil, ils seront là, donc avec Anna à la nuit du rock français à la Bresse, le 23. Mais tu nous proposes non pas un, non pas deux, mais trois groupes pour cette soirée. Le dernier, c'est le groupe Bijoux. Oui, alors le groupe Bijoux, les quinquagénaires, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais les cinquantenaires que nous sommes, les ont bien connus et se souviennent parfaitement d'eux dans les années 75 à 85. À ce moment-là, effectivement, téléphone avait la tête d'affiche sur les radios, puisque à ce moment-là, on écoutait des radios, on achetait des disques, des vinyles. Mais il y avait donc ce groupe-là aussi qui s'appelle Bijoux, qui ont quand même des morceaux qui ont marqué les esprits. Notamment ce fameux titre « Rock à la radio ». Et il faut savoir que Bijoux s'est vu écrire des chansons par Serge Gainsbourg. Donc, c'est pas rien. Non, en effet. Et donc, Bijoux ont beaucoup joué dans ces années-là. Et là, ils viennent de ressortir un live. Et donc, ils nous font la primeur d'une date à la Bresse. Donc le 23 novembre, donc ils vont faire partie de cette programmation de la nuit du rock français. Ah ben voilà. Décidément, ça fait une sacrée programmation. Voilà. Donc, dis-moi, il y a une billetterie parce qu'il faut financer tout ça. Déjà, où se trouve la billetterie en ligne ? Alors, la billetterie en ligne, on peut la trouver sur la page Facebook de Music Live Events. Il y a tous les liens. Sinon, il faut aller sur With Event. Et là, tapez « With Event, la nuit du rock français à la Bresse » et on a directement la billetterie qui s'affiche également. Mais pas que. C'est-à-dire que les gens qui passent par la Bresse et qui ont envie de réserver en direct, ils peuvent se rendre à deux endroits à la Bresse, à la Maison de la Presse sur la place du Chantel et au Super U de la Bresse, où là, vous avez également des places à vendre en pré-vente. Ah oui, donc c'est déjà tout prévu. Et d'ailleurs, que les auditeurs peut-être aient cette question de répondu pour eux, à combien s'élève le prix du billet ? Voilà, alors le prix du billet en pré-vente, on est à 15 euros. Alors si on fait le ratio, ça fait 5 euros par groupe. Franchement, Hein, c'est juste extraordinaire. Et on est en billetterie du soir à 20 euros. Voilà. Il me semble d'ailleurs avoir lu, je crois que c'est sur ta page Facebook, que ce concert va durer 5 heures, c'est ça? Oui, voilà. Ben, on a 3 groupes et on leur demande de faire des sets normaux. Il faut savoir qu'un set, donc, c'est la durée de la prestation. Et en général, quand c'est des festivals comme ça, les durées de prestation, elles sont un peu plus courtes. Sauf que là, nous, on leur a dit, non, vous nous faites des sets normaux. Donc, au final, 3 groupes, eh ben, on a quasiment 5 heures de musique. Oui, donc c'est largement rentable, largement abordable pour les auditeurs, hein, parce qu'il faut aussi penser à eux, pour la nuit du rock français le vendredi 23 novembre à 20h à la Halle des Congrès. Ça, c'est pour le premier concert à annoncer. Et il y en a un autre qui, bien entendu, hein, dans tous les cas, ce sera répété dans le billet de sortie. Ne vous inquiétez pas. Non, avant de parler du vendredi 14 décembre, j'ai appris aussi qu'il y a le même concert le lendemain, donc le samedi 24 novembre à Valtambour, c'est ça? C'est ça, à Valtambour, dans une salle incroyable qui s'appelle Airstrip. Et donc, on double toujours les dates. Donc, les groupes, quand ils viennent jouer chez nous à la Bresse, le lendemain, on les emmène donc en Alsace, on va dire, c'est dans le 57, mais vraiment à la frontière du 67, dans une salle incroyable, dans laquelle vous trouvez 2 avions de chasse, pour vous donner une idée. C'est vraiment une salle extraordinaire, avec une capacité de 1000 places aussi. Et donc, on les fait jouer 2 soirs de suite. Donc ça, ils adorent. Et je dirais même que le deuxième soir, ils sont tellement dans le truc, que souvent, le deuxième concert, il est encore vachement mieux que le premier. Parce que déjà entre eux, bah, ils se connaissent, donc il y a vraiment un truc qui se passe. Et je ne sais pas, c'est magique de les faire jouer 2 dates de suite comme ça. Donc là, effectivement, ils sont le vendredi soir à la Bresse et le samedi soir, exactement la même programmation à Valtambour, dans cette salle qui s'appelle Airstrip. Voilà. Donc, un programme main dans la main entre l'association Music Live Events et l'association AM au rock, décidément. Ouais. Ouais. Et comme je le disais, s'il y a un autre concert à annoncer, c'est celui du vendredi 14 décembre, une battle de tribute AC/DC, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Alors là, on est sur un concept totalement inédit, ça n'a jamais été fait en France. On n'en a pas vendu tout, on s'est bien renseigné, ça n'a jamais été fait. En fait, on a aussi dans nos coups de cœur ces 2 tributes que l'on connaît bien maintenant, qui s'appellent les Ladies Ball Breaker et High Voltage. Et donc l'idée était de les faire venir ensemble. Faire une soirée AC/DC. Mais on a dit, on va le faire autrement, parce que Ladies Ball Breaker, ce ne sont que des filles, et je peux vous dire que ce sont des filles qui ont une patate, mais c'est juste un truc de dingue. Hein. Et les High Voltage sont des garçons uniquement. Ensuite, High Voltage joue principalement sur la période Bon Scott de AC/DC, et les Ladies Ball Breaker, elles jouent sur la période Brian Johnson. Donc on a les 2 périodes. Ils vont être ensemble sur la scène en même temps. Et on va leur faire jouer des morceaux séparément, mais aussi des morceaux en commun. Donc ils se sont pris au jeu de notre projet et ils sont juste en train de le travailler à distance, parce que les Ladies Ball Breaker, elles sont originaires de Montpellier. High Voltage, ils sont originaires de Haute-Savoie, je crois que c'est Albertville. Donc à distance, ils travaillent déjà ça, mais ils ont une impatience terrible de le faire en direct. Ça va être un truc magique, parce que c'est inédit, parce que c'est exclusif, parce que ça n'a jamais été fait, parce que ça va être du AC/DC plus. Et moi, il me tarde vraiment de la vivre aussi, cette soirée, parce que ça va être incroyable, quoi. Moi, je ne l'ai jamais vue. Je crois que personne ne l'a jamais vue, du coup. Et donc, ça va être vachement bien. Et ils sont reconnus comme étant les 2 meilleurs tributes français à l'heure qu'il est. Donc là, encore un super moment. Et qui va durer un peu, hein, un peu plus qu'un concert classique, forcément, parce que Parce qu'il y aura... Le répertoire ACDC est tellement large. Oui, assez vaste. Donc, on va vraiment aller sur tout le panel ACDC du début jusqu'à maintenant. Quoi. Ça va pas s'arrêter. Et je pense qu'on va avoir des belles surprises ce soir-là. Ouais, ça va être vachement bien. Ouais. Ah bah, on l'espère vraiment pour toi. D'ailleurs, dis-moi, il y aura une soirée doublon le lendemain soir à Waldtembourg, pareil, en 57. Ouais, la même chose. Ah là là. On les emmène à chaque fois à Waldtembourg et nous, on passe le week-end avec. Et je peux vous dire que passer le week-end avec des artistes comme ça, et ben nous, on prend notre pied aussi. Enfin, c'est vachement bien, ouais. Ouais. Ça se comprend. Oui. Et d'ailleurs, dis-moi, pour ce concert-là, la billetterie, j'imagine que la billetterie en ligne, c'est pareil. On trouve aussi dans le dans la maison de la Bresse, le super rue de la Bresse. Oui, voilà, exactement la même chose. Donc toujours With Event. Par contre, là, c'est Battle Tribute à CDC. Mais dès que vous allez sur la page Facebook de Music Live Events, vous trouvez forcément les liens de billetterie. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette page, à l'aimer, à la liker, hein, pour qu'effectivement, on ait derrière un réseau qui se crée et qu'il y ait une émulation et que, eh ben, qu'on puisse à l'avenir diffuser nos projets sur pas que les Hauts-de-Vosges, mais aller bien au-delà. Et voilà, et tout ça, nous, ça nous porte et ça nous aide et on a besoin de ce soutien-là aussi, ouais. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, en ce qui concerne les auditeurs, ne vous inquiétez pas, vu que la page Facebook de Music Like Events a été taguée pour l'annonce de l'émission, elle sera aussi taguée avec le podcast, ça de toute façon, je le expliquerai en fin d'émission. Et comme tu as parlé de billetterie en ligne, juste histoire de savoir à combien s'élève aussi le billet pour cette soirée du vendredi 14 décembre à la Halle des Congrès de la Bresse. Alors, on est exactement sur les mêmes tarifs, c'est-à-dire à 15 € en pré-vente et à 20 € le soir même. Voilà. Et il faut savoir qu'il y aura effectivement une billetterie sur place. Il n'y a aucun problème hein, pour les gens qui veulent attendre peut-être la dernière minute. Sachez aussi que sur With Event, sur le site de pré-vente, jusqu'à une heure avant le concert, vous pouvez tout à fait... Allez, achetez vos billets, les imprimer, il n'y a aucun problème. Vraiment, jusqu'à la toute dernière minute, vous pouvez. Vous vous décidez le samedi matin, le vendredi matin pour venir le vendredi soir. Allez sur With Event et prenez votre billet en pré-vente. Et il n'y a aucun problème. À la dernière minute, allez-y, vous aurez votre billet à 15 €. Voilà. Voilà, c'est tout à fait possible pour les auditeurs. Et dis-moi, tu as dit que fut un temps, téléphone était beaucoup plus écouté à la radio que le groupe Bijoux. On va rétablir un petit peu la justice, on va se les écouter vu qu'ils passeront, je répète, le vendredi 23 novembre à la Halle des Congrès. Et quoi de mieux pour passer un morceau à la radio qu'un morceau qui s'intitule « Rock à la radio » pour une émission dédiée au rock. Décidément, qu'est-ce qu'ils ont bien fait les choses. Alors, c'est le groupe Bijoux qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Radio. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez écouté à l'instant Rock à la radio du groupe Bijoux, qui sera d'ailleurs sur la scène Bressot le vendredi 23 novembre. Faut que je respire parce que j'ai couru dans les couloirs. Et on est toujours avec Chantal Poireux de l'association Music Live Events. Après tout, c'est toi qui es à l'origine de tout ça. C'est un peu ton bébé que tu viens nous présenter, qu'on est très content d'ailleurs d'apprendre à connaître. Et c'est une question que je me posais. Après tout, c'est une association qui est toute jeune. Et on sait que le milieu associatif, c'est pas forcément facile tous les jours, hein, surtout financièrement. On va lever les tabous. Je me posais une petite question. Il y a des groupes, j'imagine que faire venir des artistes comme par exemple peut-être Fergesen ou d'autres gros groupes, ça peut coûter cher, hein, j'imagine. Oui, tu imagines bien. Est-ce que c'est un petit peu prendre le risque de financièrement mettre l'association un petit peu dans le rouge si les concerts ne fonctionnent pas? Oui, oui, oui, bien sûr, mais je pense que tous ceux qui, à l'heure qu'il est, organisent des événements dans n'importe quel domaine, en termes d'association, on prend forcément des risques à organiser et encore plus, effectivement, à faire venir des artistes. C'est bien pour ça que je suis là aussi, donc pour sensibiliser les gens au fait que sans public, nous derrière, on a des associations qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas durer. On n'est pas des grosses machines, on est juste, on le fait avec notre cœur, on le fait avec, nos envies, vraiment de faire plaisir et effectivement si à terme le public ne nous suit pas, et bien sûr on saura se remettre en question et soit arrêter, soit voir pour faire d'autres choses. En tout cas, moi je me suis laissé ce temps-là, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de l'année justement, parce que je sens que petit à petit, les gens commencent à nous connaître, les gens ont envie de voir ce qu'on propose. Rendez-vous après le concert du 14 décembre pour faire un bilan et voir pour 2019. Eh bien, avec plaisir, si tu veux, le rendez-vous est pris, tu pourras revenir avec nous courant du mois de janvier. Pas de problème. Mais tant que j'y pense, donc déjà ça, en espérant que ça fonctionne, après oui. Tout, on voit d'autres associations qui se développent très bien, même par le biais d'événements. Donc oui, je te souhaite aussi de tout cœur de prendre la même voie qu'eux. En plus, vous travaillez à deux associations âmes du rock, donc il n'y a pas de raison, j'imagine et j'espère, que ça ne fonctionne pas. Mais dis-moi, dans une association, il y a des bénévoles. J'imagine qu'il y a des bénévoles qui gravitent autour pour l'organisation et aussi pour, au moment des concerts. Hein. Oui, tout à fait. Alors, les bénévoles, c'est déjà principalement la famille hein, qui me suit, moi, des amis, effectivement. Et en fait, ces bénévoles, on en a forcément besoin. Sans eux, nous, les associations, on n'est rien non plus. Donc, un grand merci. J'en profite que je suis à la radio. Un grand, grand merci à tous ces gens qui donnent de leur temps pour venir nous aider. Et je parle au nom de toutes les associations. C'est vrai que sans bénévoles, une association, elle est rien du tout. Donc, merci. Et donc, les bénévoles, ils vont aller prendre des flyers, des affiches. Ils vont aller en déposer à droite et à gauche. Et les soirs de concert, ils vont être là pour tenir la buvette, pour tenir les entrées, pour aider à ranger, pour mettre en place... C'est un soutien énorme. Sans eux, moi, je fais rien. Donc, oui, les bénévoles, il en faut et on a cette chance d'en avoir, oui. Donc, big up à tous les bénévoles de ton association et tous les bénévoles de la France et même de la Terre entière. Voilà, exactement. Après tout, c'est vraiment une aide humaine très précieuse d'ailleurs. Mais complètement, c'est oui. Ce qu'il y a de plus précieux, ça, j'imagine. C'est sûr, oui. Donc ça, c'est déjà le côté bénévole et humain. Mm. Mais c'est vrai qu'une association peut aussi travailler par le biais de partenariat. Alors, tu m'as dit que les billetteries, que tu avais une billetterie aussi au Super U de la Bresse. Oui. Je sais que je ne suis pas censée donner des noms, mais bon, on leur fait pas de la pub. Hein. je le précise quand même. Alors, est-ce que, mis à part ça, l'association a des partenariats? Et sans compter aussi Amorok, parce que je pense que ça va de soi. Ben, à Morocco, du coup, oui, forcément, puisque c'est la deuxième association. Oui, on a des partenaires parce que, par exemple, ces artistes qui viennent de loin, il faut qu'on leur trouve un hébergement pour au moins une ou deux nuits. Et bien, à ce moment-là, on va frapper à la porte des hôtels, on va frapper à la porte de ces gens qui sont capables d'héberger et on leur explique. Et on a effectivement, moi j'ai notamment sur la Bresse un hôtel, je ne sais pas si je peux le citer, mais allez, l'hôtel de la Poste, donc qui me suit et qui me propose donc des tarifs super intéressants pour les artistes. Voilà, c'est des gens comme ça. Je vais aller frapper à la porte d'un boulanger pour avoir du pain, il va me faire un prix sur les baguettes. Je vais aller chercher du jambon dans une boucherie, il va me faire un prix sur le jambon pour faire mes sandwichs. On a aussi cette chance d'avoir des commerçants qui jouent le jeu et qui nous aident. Et en termes de partenaires, on peut citer aussi, par exemple, la ville de la Bresse qui met à disposition du matériel, qui met plein de choses. Bon, les salles, on va dire, on paye aussi cette location de salle, mais à des prix quand même intéressants. Mais après, on a quand même aussi tout le matériel qui est offert. Donc, ça veut dire des heures de travail, etc., etc. Donc, oui, et heureusement qu'on les a, ces partenaires. Et merci beaucoup, ouais. Ouais. Oui, en effet, c'est bien de le souligner que, comme tu l'as dit, tout le monde joue le jeu, tout le monde travaille un petit peu main dans la main et donne ce qu'il peut pour que l'association Musique Live Events puisse proposer des concerts à la Bresse, parce que c'est bien aussi de proposer des concerts en localité plutôt que d'aller courir, aller, je sais pas, à Nancy, Strasbourg, voire Paris pour des concerts. Non, toi, comme d'autres associations, vous les amenez ici. Oui, on les fait venir dans nos montagnes. Et oui. Et ils s'y sentent bien quand ils viennent, ils adorent. Et merci à des radios comme la vôtre, comme Radio Gemozo, qui nous proposent aussi ces temps de parole. Et franchement, c'est juste extraordinaire, quoi, parce que ça nous permet de nous exprimer librement. C'est chouette. Moi, je dis merci aussi, Radio Gemozo. Merci beaucoup. Ah ben, merci à toi d'être venu et d'avoir rempli mon heure des loups de ta bonne humeur. C'est toujours très précieux. Et avant qu'on se dise au revoir, vu que ça va déjà être le moment, j'ai pas besoin de parler de tes projets, parce que ça, on en reparlera en janvier. Si d'accord, j'ai bien ça compris. Marche. Oui. Mais pour plus d'informations, est-ce que tu as une autre page que la page Facebook que j'ai trouvée? Non, pour le moment, je n'ai que ça. Alors, un site internet est en cours de création, voilà. Mais c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. Et moi, j'avoue que pour ça, j'ai vraiment besoin d'aide, parce que, comme beaucoup, je suis assez nulle en informatique. Donc, je me débrouille comme je peux. Je fais des fois des erreurs, je fais des fois... Mais donc, la page Facebook... J'arrive à m'en sortir. Par contre, le site internet, donc c'est en cours de création. Voilà, c'est en train de se faire. Et je n'ai pas d'autres pages que celle-ci. Ouais. Mais c'est déjà une bonne chose, une bonne base qui sera indiquée avec le podcast. Alors, tant sur la page Facebook, logiquement, mais aussi sur notre site internet, hein, en d'accord, espérant que les auditeurs génial. Qui cliquent aient un compte Facebook. Mais bon, je pense que vous connaissez la mécanique Facebook depuis le temps que ça existe. Hein. Oui, ça a été créé quand j'étais au collège, je crois. Bref, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Et puis voilà, je pense que c'est déjà tout bon. Donc, la première chose que je puisse te souhaiter, Chantal, c'est beaucoup, beaucoup de courage et de chance pour les concerts à venir. Je rappelle, le vendredi 23 novembre, à la Nuit du Rock français à 20h à la Halle des Congrès de la Bresse, avec Anna en tribute pour téléphone, Undervoid et Bijoux pour 15€, hein, comme le billet en pré-vente, et 20€ le soir même. Ou sinon, le vendredi 14 décembre, une battle de tribute à CDC. Aussi 15€ en pré-vente, 20€ pour la soirée. Et avec, dans tous les cas, si vous ne pouvez pas être présent à la Bresse, eh bien, rendez-vous le lendemain de ces deux concerts, donc le samedi 24 novembre ou samedi 15 décembre, le lendemain soir, je disais, à Valtambour, dans le 57. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit tout ce qu'il y a à dire. Moi, je me permets juste de rajouter que pour ces deux concerts, on aura bien sûr de la restauration sur place, c'est-à-dire sandwich, voire petit pâté chaud, et ça plaît beaucoup. Donc de quoi se restaurer, manger et boire, et vraiment passer un bon moment. Donc, dernière question, comme tu as parlé de nourriture, est-ce qu'il y aura à manger pour les régimes alternatifs ? Ah, alors, nous, on propose le basique. Après, effectivement, la question est intéressante. Et pourquoi pas ? Oui, oui, oui, oui, oui. On peut imaginer quelque chose comme ça, bien sûr. Je note. Je prends des notes, en fait. Eh bien, voilà. C'est sur cette note, vu qu'on voit qu'après tout, hein, toutes les associations ou ton association aussi évolue, vu qu'elle en est tout juste à sa création. Hein, mais oui. 2018, c'est tout jeune. Enfin, voilà. Donc, comme je le disais, on pourra te retrouver dans les concerts que je réannoncerai aussi dans les billets de sortie. Là, je commence à fatiguer un petit peu. Oui. Mais dans tous les cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et avant qu'on se dise merci. Au revoir pour de bon, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. D'ailleurs, j'entends le générique est vachement avancé, donc j'ai beaucoup de retard. Donc, on est mardi soir. On retrouvera dès 20h Michel pour son émission La Parole est à vous. Puis, à 22h, Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Playlist de musique jusqu'à demain matin, 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée jusqu'à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Aisément écoutable, téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tout fonctionne, ne vous inquiétez pas. Et comme demain ce sera mercredi, on retrouvera à 8h, donc après la rediffusion de l'émission, Amadou pour sa chronique et enfin 8h30, Marion pour sa matinale qui vous racontera le programme de la journée de demain. Sinon, on va y arriver, on se retrouve demain soir 18h-19h avec Anne Marion de la compagnie L'Aéronef pour son nouveau spectacle intitulé S. Je ne vous en dis pas plus, mais ce que je peux vous dire, c'est avec une immense robe de 6 mètres de diamètre, je crois, animée comme une marionnette. Et sinon, on retrouvera à 19h demain soir Antoine pour son émission Ce qu'il faut savoir sur la surveillance. Et je vous l'annonce aussi, comme je l'ai eu au téléphone, jeudi soir à 20h, débat des hauts sur l'avenir de l'humanité, je serai présente, donc je vous le répéterai de toute façon dans les genoux à venir, mais en tout cas j'espère que cette émission vous a plu, que la programmation va vous intéresser aussi. Merci beaucoup à tous pour votre attention, merci Chantal pour ta bonne humeur et bien pour ta ténacité, hein. C'est important que des petites associations se battent et même se créent pour perdurer, c'est très précieux dans notre paysage local. Merci beaucoup à Radio Guémozo de m'avoir proposé cette heure de direct. Merci à tous de m'avoir écouté. Et moi, je vous donne bien sûr rendez-vous le 23 novembre et le 14 décembre à l'Halle des Congrès de la Bresse. Merci. Eh bien, merci à toi et aux auditeurs. J'ai d'ailleurs dû remettre mon générique de début. J'ai jamais fait une conclusion aussi longue. Mais dans tous les cas, on se retrouve demain, même heure, sur le 107. Avec la compagnie L'Aéronef. Alors, bonne soirée à tous avec un générique décalé par rapport à d'habitude. Bonne soirée!